Bonsoir. Dans Autant d'emporte l'histoire aujourd'hui, une nouvelle diffusion, l'incroyable histoire de l'esclave Fursi qui attenta un procès à son maître. C'est dans l'océan Indien, à l'île de la Réunion, que nous partons ce soir. Plus exactement l'île Bourbon, puisque c'est ainsi qu'elle s'appelait au début du 19e siècle, lorsque cette colonie française tirait sa richesse des plantations de canne à sucre, mais aussi de l'esclavage. L'histoire vraie que je vais vous raconter, celle d'un homme né esclave qui s'est battu pendant plus de 25 ans pour faire reconnaître ses droits et obtenir sa liberté, est tout simplement stupéfiante. De celle qui nous rappelle la force et l'obstination dont peut faire preuve l'être humain pour briser ses chaînes. L'esclavage, aboli en 1794 par la Révolution française, mais rétabli en 1802 par Napoléon, il faudra attendre la Révolution de 1848 pour qu'il soit définitivement aboli, du moins en France, que ce que hier paraissait normal, voire l'expression d'un ordre naturel ou divin, soit enfin reconnu par le droit comme la pire des injustices, la pire des barbaries. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Cette histoire de Fursi, donc né esclave à La Réunion et qui s'est battu pendant 26 ans pour obtenir sa liberté en 1843, si on la connaît, si elle n'est pas restée enfermée dans les archives d'une bibliothèque, c'est grâce à vous, Mohamed Aissaoui. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, journaliste au Figaro littéraire et écrivain, l'auteur d'un livre étonnant paru donc en 2010 chez Gallimard, L'affaire de l'esclave Fursi, qui a obtenu beaucoup de prix, notamment le prix Renaudot de l'essai en 2010. Dans quelles circonstances êtes-vous tombé sur cette histoire ? C'était assez étonnant. J'avais simplement vu une petite information où il était indiqué qu'il y avait une vente de documents concernant un esclave. Une vente aux enchères ? Une vente aux enchères à l'hôtel Drouot. J'habite juste à côté, je travaille à côté également. Vous êtes allé à la vente ? J'y suis allé. Je pensais qu'il allait y avoir du monde, que je devais faire la file d'attente, allait être longue, etc. Il y avait vous qui étiez intéressé. On était 7, pour être précis, et les 6 autres appartenaient à une même association. Donc on était réellement 2. C'était en 2005 ? 2005, en mars 2005, effectivement. Et donc, la vente aux enchères, en fait, c'est très rapidement conclu par une préemption de l'État et en fait des archives départementales de La Réunion qui ont pris ces documents. C'était des documents, en fait, de justice. Oui, voilà. Les minutes de procès. Il y avait tout ça, il y avait même des brouillons. En fait, ce qui est incroyable, c'est que ces documents étaient encore mille fois plus intéressants que ce qu'on pouvait imaginer quand j'ai pu les consulter. C'est ce que j'ai découvert. Il y avait de la chair, il y avait du sang, il y avait de la sueur, il y avait un homme et des hommes, parce qu'il n'était pas tout seul, Fursi, qui parlaient. Et j'avais même le sentiment irrationnel, alors que je suis quelqu'un de plutôt rationnel, qu'il me parlait et qu'il me disait « Fais donc découvrir cette histoire ». Ah, ça, c'est formidable. Hein. On le sent bien dans votre livre, Mohamed Aissaoui. Pour bien comprendre la fiction qu'on va entendre dans quelques minutes, la fiction dont vous êtes d'ailleurs l'auteur, oui. Généreusement, vous avez donc écrit pour nous cette fiction, Mohamed Aissaoui. J'aimerais d'abord que vous nous décriviez à quoi ressemble l'île de la Réunion, par exemple, en 1817, quand va commencer l'histoire de Fursi. Il y avait 60 000 habitants. Parmi les 60 000 habitants, 40 000 esclaves. Il y avait donc l'esclavage de fait. Mais la France, et c'est ça aussi que j'ai découvert, n'était pas complètement esclavagiste. Le procès dont on va parler démarre au début du 19e siècle et se termine donc en 1843. Mais en fait, il y avait déjà des abolitionnistes, il y avait des hommes libres, il y avait des esclaves qui vivaient avec des femmes libres. Dans une même famille, il pouvait y avoir un esclave et une femme libre, la sœur d'un esclave par exemple, pouvait être libre. C'était étonnamment complexe. Et à l'île de la Réunion, encore plus particulièrement, parce que à un moment donné, l'administration coloniale a essayé, tellement qu'il y avait de métissage, de distinguer les races en 8 couleurs. Oui, avec du rouge. Non, mais c'est, et à un moment donné, ils se sont dit, dans une même famille, il peut y avoir un noir, un métis, un blanc, une blanche, et désespérément pour eux, ils n'ont pas su classer les races parce que c'était d'une complexité extraordinaire. Et l'esclavage avait été aboli par la Révolution, rétabli en 1802, mais à La Réunion, il y a toujours eu des résistances de la part des grands propriétaires des plantations de canne à sucre qui n'avaient jamais accepté les idées de la Révolution. Mais bien sûr, d'ailleurs, il haïssait les idées de la Révolution. D'ailleurs, il n'appelait pas l'île de La Réunion la France. Quand il disait la France, il parlait de la métropole. Pour eux, la loi ne pouvait pas s'appliquer aux colonies. Et d'ailleurs, l'esclavage existait dans les colonies, mais dans la métropole, il commençait à disparaître petit à petit. Et qu'est-ce que le Code Noir ? Le Code Noir, c'est un ensemble de lois normalement créées pour protéger les esclaves. Mais ce Code Noir... Qui avait d'abord été créé par Colbert au XVIIe siècle et qui a été transformé au fil des années. Exactement, il faudrait parler d'ailleurs de pluriel, il y a plusieurs Codes Noirs. Mais le commun de tous ces Codes Noirs, c'était qu'il établissait que l'esclave était un meuble. Et donc, on pouvait en faire ce qu'on voulait. Il avait une valeur économique. Il y a des esclaves qui ont changé 7 fois de prénom parce qu'ils n'avaient pas de nom. On l'évoquera ça aussi parce que c'est très important. Et en fait, c'était une règle qui empêchait les esclaves de devenir des hommes, tout simplement. Merci Mohamed Aissaoui. Nous vous retrouvons pour poursuivre cette discussion dans une trentaine de minutes. Le temps d'écouter l'incroyable histoire de l'esclave qui intenta un procès à son maître. Donc un texte de vous, Mohamed Aissaoui. Une réalisation de Michel Sidorov. Pour moi, maloya, ça flait la manque à moi, tanti. Pareil, moi, nana, invitation, tel en flèche, ordi. Cette histoire débute le 2 octobre 1817 à l'île de la Réunion, qu'on appelle alors île Bourbon. C'est l'après-midi, le soleil est à son zénith, mais l'air est agréable grâce au petit vent qui souffle sur la ville de Saint-Denis. Un groupe de femmes bavardent devant un étal de fruits. Elles ne remarquent pas un homme qui passe près d'elles. Cet homme est noir, de belle stature. Il marche à pas vifs, il a le regard déterminé. C'est l'esclave Furcy. Il se rend au tribunal d'instance. Il a pris rendez-vous avec le substitut du procureur général du roi pour déposer un dossier. Il ne lui dit que ces quelques mots. Je me nomme Furcy. Je suis né libre dans la plantation des bassins de Richemont. Fils de Madeleine, femme affranchie alors au service de cette famille, je suis retenu à titre d'esclave chez Monsieur Desbassins de Richemont. Je réclame ma liberté. Voici mes papiers. Quatre phrases courtes que prononce l'esclave Furcy avec ce calme dont il ne se départira jamais. Et pourtant, ces quatre phrases courtes constituent le début du plus long procès jamais intenté par un esclave à son maître et qui va durer plus d'un quart de siècle. Un fait unique dans les annales de l'histoire, surtout quand on sait qu'un esclave est considéré par la loi comme un meuble et n'a donc pas le droit d'aller en justice. Furcy a 31 ans quand débute le procès. Il est esclave et sert en tant que maître d'hôtel dans l'habitation de Desbassins de Richemont, la plus puissante famille esclavagiste de l'île. La réaction de son maître ne se fait pas attendre. Mais quelle idée saugrenue a eu cet esclave ? Qu'est-ce qui lui prend ? Un procès contre moi ? La mort de sa mère Madeleine l'a-t-il rendu fou ? A-t-il seulement oublié qu'il est ma part d'héritage ? Personne ne touchera à mon bien. Je vais lui faire comprendre. Il veut aller au tribunal pour recouvrer sa liberté, mais c'est la prison qu'il va goûter, comme tous les marrons. Sur les ordres de Desbassins de Richemont, Furcy est amené en prison avec force. On l'humilie en lui mettant des chaînes aux mains et aux pieds. C'est le cas de tous les esclaves qui intentent une action en justice. Certains sont mutilés, d'autres battus à mort. Aucun esclave n'a jamais pu mettre les pieds dans un tribunal. Furcy croupira une année dans la prison de Saint-Denis. J'irai au bout de ma démarche, même si je dois mourir ici. Quand ma mère est morte, on a découvert dans une malle un acte d'affranchissement qui aurait dû faire d'elle une femme libre. Ma mère était libre. Et si elle était libre, je le suis aussi. Elle était libre depuis plus de 30 ans. 30 ans. Mais pourquoi ne m'a-t-elle jamais rien dit? Elle ne savait pas lire. Peut-être lui a-t-on caché cet acte d'affranchissement dont je connais maintenant par cœur le moindre mot. Et ont été requis par Madame des Bassins de Richemont d'accorder l'affranchissement à la nommée Madeleine, son esclave, en reconnaissance des bons services qu'elle lui a rendus et pour remplir l'engagement qu'elle a contracté en France de procurer la liberté à la dite Madeleine qui ne lui a été donnée qu'à cette condition, nous, en vertu des pouvoirs donnés par Sa Majesté, accordons la liberté à la nommée Madeleine, la déclarons à tous et à chacun libre. Saint-Denis, 6 juillet 1789. Est-ce seulement imaginable? Une femme était libre depuis plus de 30 ans et parce qu'elle ne savait pas lire, on l'a retenue comme esclave. De sa prison, Fursy écrit une lettre au procureur général du roi. Il souligne qu'il a le droit de se rendre au tribunal puisque ce n'est pas en tant qu'esclave qu'il agit, mais en tant qu'homme libre. Le procureur est troublé par autant d'arguments justes, mais il sait que cela va être difficile. Il agira en son âme et conscience, comme il en a fait le serment au roi. Il décide d'organiser une confrontation au tribunal. Dehors, le soleil est clément, on entend les oiseaux. La ville est embellie de rouge, la couleur des flamboyants qui sont en pleine éclosion. Mais à l'intérieur du tribunal, c'est le feu et le brouhaha. Fursy est enchaîné et tenu par deux gardes. Des Bassins arrivent en tonitruant. On entend ses pas lourds, nerveux et bruyants, comme s'il voulait écraser le sol. Des Bassins n'attend pas qu'on lui donne la parole. Il va directement vers Fursy et le pointe du doigt. Mais c'est la destruction de nos colonies tout entières que tu veux! Te rends-tu compte que si tu obtiens gain de cause, ce sont 16 000 esclaves qui sont dans ton cas et qui vont aussi réclamer leur liberté? Tu veux notre faillite, c'est ça? Ne t'ai-je pas toujours bien entretenu? Ne t'ai-je pas bien traité? J'ai fait de toi mon maître d'hôtel. L'heure est grave et tu ne te rends pas compte de tes actes. C'est la première fois qu'un esclave tente de briser ses chaînes par la loi. C'est un acte inouï de rébellion. Oui, mais oui, tu mérites la prison, Fursy. Et même d'être pendu pour cet acte de folie. La mort de ta mère ne peut pas tout excuser. C'était une esclave fidèle et soumise, elle. Elle n'a jamais rien réclamé. Elle n'était plus une esclave depuis près de 30 ans. 30 années, vous ne pouviez pas l'ignorer. Vous avez abusé de son ignorance. Pourquoi était-elle retenue dans votre plantation? C'est elle qui est restée. Elle était heureuse d'être à mon service. Nous ne sommes pas à Saint-Domingue, ici. À Bourbon, les esclaves sont heureux. Dans le dossier que j'ai remis au procureur, des documents montrent qu'elle a pourtant essayé d'obtenir sa liberté avec l'aide d'un avocat. Elle vous a même proposé d'abandonner les années d'indemnité auxquelles elle pouvait prétendre, à condition que vous la franchissiez, mais vous l'avez menacée de mort. Ce que tu fais est ignoble. Toi aussi, tu te réserves le droit de demander des indemnités pour cause de privation de ta liberté, c'est cela ? Ou c'est le fait de savoir lire des livres qui te monte à la tête? Bon, qu'on en finisse. Que les juges affirment que cet esclave n'a pas le droit de se retrouver dans ce tribunal. Un point, c'est tout. Qu'on applique le code noir. Fursy n'a rien à faire ici. Sa place est en prison. Je suis né libre. Je l'ai toujours été. L'acte d'affranchissement de ma mère le prouve. Rendez-moi ma liberté et vous n'entendrez plus parler de moi. Je ne veux pas d'indemnité. Je t'ai déjà accordé trop de liberté en te laissant apprendre à lire et à écrire. Crois-tu que je ne le savais pas? J'aurais dû me méfier. Je te croyais différent des autres esclaves, mais tu es comme eux. Vous êtes tous des paresseux, des voleurs et des menteurs. Cette action en justice n'aura duré qu'une demi-heure. Le président du tribunal d'instance est un ami de Desbassins de Richemont. Les autres magistrats appartiennent à sa famille. Chaque semaine, ils se retrouvent dans la plantation autour d'un fameux dîner où sont servis des faisans de Pondichéry, des caries de buffles de Madagascar et les meilleurs fruits de l'océan Indien. Fursy est condamné à la prison pour marronnage. Il est enfermé avec tous les esclaves qui ont cherché à fuir ou qui ont tenté de mener des révoltes. Avant que les gardes ne s'emparent de lui, Fursy se met à crier. C'est la première fois qu'il crie. Il crie parce qu'il connaît la loi. Il a dévoré tant de livres sur la justice. C'est un jour de deuil pour la justice. C'est un jour de deuil pour la justice. Je devrais me taire, mais je ne peux pas. Comme la loi m'y autorise, je demande au greffier de noter ce que je vais dire. Ce à quoi vous venez d'assister est un acte arbitraire. Je fais appel. Je fais appel. Je veux un procès. J'agis en homme libre, pas en esclave. Je fais appel. Je demande que l'affaire soit portée à la cour royale en deuxième instance. Aucune ineptie, aucune calomnie ne pourra m'atteindre. Ne soyez pas étonnés si un jour il y a des débordements que vous ne pourrez réprimer. Pendant cette parodie de procès, Fursy a gardé dans sa main gauche un papier, la Déclaration des droits de l'homme. Le président du tribunal d'instance fait signe aux gardes d'emmener Fursy. La prison n'est qu'à 300 mètres du tribunal. Desbassins de Richemont a gagné. Mais en homme d'expérience, il est inquiet. Il sait que si Fursy revient au tribunal en deuxième instance, son cas peut faire du bruit. Il décide alors d'écrire au ministre de la Marine et des Colonies. On le retrouve chez lui. Son habitation, somptueuse, est la plus grande de l'île. Sa plantation possède 400 esclaves. Il est dans son salon, assis dans le fauteuil qui donne sur le jardin. La nuit tombe. Il écoute les bruits de la nature. La bougie n'éclaire que le papier sur lequel sa plume court aisément. Votre Excellence, je viens m'acquitter d'un devoir bien pénible. Un esclave nommé Fursy met en danger l'île Bourbon en ayant à l'esprit d'attaquer son maître en justice. Cette affaire fait trop de bruit. Je vous propose d'exiger l'arrestation définitive de Fursy. Je vous propose également de déporter hors de Bourbon ce procureur général du roi qui autorise l'esclave à m'attaquer en justice au mépris de la loi. Je crois que ce procureur est imbu des principes démagogiques de la Révolution. Votre dévoué, le comte Desbassins de Richemont. Dans sa prison, Fursy doute. Il a 31 ans. Il est esclave et prisonnier. Comment en effet ne pas douter? Tout cela vaut-il la peine que je me batte? Ils sont tellement puissants. Ils ont tous les droits. Je ne pourrai jamais gagner ce procès. Je ne peux même pas aller au tribunal. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Il y a bien une manière d'être enfin libre. C'est de prendre ce morceau de corde et d'autres l'ont déjà fait. Juste le mois dernier, le marron Élie, il semblait si fort. Il avait mené une révolte. Il a préféré se pendre plutôt que de vivre soumis. Combien de fois ma mère m'a raconté que mon oncle Alphonse a sauté du haut de la montagne Simondef pour échapper aux chasseurs d'esclaves. De sa cellule, Fursy entend des chants de liberté. Visiblement, ces chants s'adressent à lui. Cela lui fait chaud au cœur. Il reprend espoir, un mince espoir. Ses yeux fixent toujours la petite fenêtre qui touche le plafond. Une fine lumière, douce, caresse son visage. La musique continue de résonner en lui. Pendant ce temps, chez des bassins de Richemont. J'entends partout que l'esclave Furcy est soutenu. Des gens chantent sous la fenêtre de sa prison. Cette affaire fait trop de bruit. Son cas donne des idées aux autres esclaves. Il faut casser cette rébellion dans l'œuf. Il veut un procès, il va l'avoir. Et on va le condamner aux travaux forcés et le déporter à l'île Maurice. On n'entendra plus jamais parler de l'affaire Furcy. La date du second procès pour mettre fin à l'affaire de l'esclave Furcy est rapidement fixée. Il a lieu le 18 février 1818, à 9h30, pour éviter que trop de monde se rende devant la cour d'appel de Saint-Denis, qui se trouve tout près de la prison et près de l'église. Malgré cette précaution, il y a foule. Le procès commence très mal pour Furcy. Le président du tribunal, après avoir exigé le silence, a présenté ainsi la confrontation. « Messieurs, nous allons rendre la justice au nom du roi. Le sieur des bassins de Richemont tient à faire valoir ses droits après que son esclave, le dénommé Furcy, a tenté de s'échapper. » De cette manière, Furcy se retrouvait sur le banc des accusés, alors que c'était lui qui réclamait un procès. Ensuite, le président du tribunal a donné la parole à des bassins de Richemont. « Messieurs, je ne veux pas vous abreuver de texte de loi, mais je tiens juste à rappeler à votre conscience le code noir. Oui, ce code noir qui a été créé pour protéger nos esclaves, ce règlement inscrit par le roi même. Eh bien, que dit ce code noir ? Monsieur le Président, messieurs de la Cour, d'abord que les esclaves ne peuvent agir directement en justice. C'est à leur maître de les défendre auprès des tribunaux, si bien sûr il y a lieu de le faire. Furcy n'a aucun droit de se retrouver ici. Ensuite, le code noir dit tout simplement que les esclaves sont réputés meubles. Et comme tel, Furcy m'a été légué. En citoyen honnête, j'ai réglé en bonne et due forme les droits de succession. Monsieur le Président, je veux juste vous dire que j'ai le droit d'être ici au sein de ce tribunal. J'ai le droit à un procès. Je veux juste vous démontrer que je suis un homme libre parce que je suis né libre. C'est pour cela que je viens réclamer mes droits et rien d'autre. Je ne veux nuire aux intérêts de qui que ce soit. Tu ne veux pas me nuire ? Sais-tu au moins combien tu m'as coûté ? Sais-tu que si par malheur je dois payer 30 années d'indemnité, c'est ma ruine que tu causes ? C'est ma faillite que tu veux ? C'est la faillite de toute l'île que tu veux ? Ce sont ces principes contenus dans le papier que tu tiens, cette déclaration des droits de l'homme que tu veux voir essaimer à Bourbon ? Si les principes que je suis obligé de soutenir et que je développe avec modération, devait plus tard être fécond en conséquence. Est-ce que l'humanité devrait s'en affliger ? Mais tu es devenu fou. Les livres que tu lis te donnent de bien mauvaises idées. J'aurais dû t'interdire d'apprendre à lire. Monsieur le Président, je tiens à souligner que j'ai toujours bien traité mon esclave Furcy. Je vais aller plus loin puisqu'il m'y oblige. J'ai fermé les yeux sur la relation qu'il entretenait avec Dame Isabelle, une femme libre avec laquelle Furcy a eu 3 enfants. Cette relation entre un esclave et une femme libre aurait dû lui valoir des coups de fouet et même la prison, je n'en ai rien fait. Bien au contraire. Par son éducation, j'ai fait de Furcy mon maître d'hôtel. Il a même tenu mes comptes. Et voilà qu'aujourd'hui, cet esclave me trahit en prenant la fuite. Monsieur le Président, je vous demande de protéger les intérêts d'un honnête homme. À la fin de la matinée, le président se lève et réclame le silence. Il transpire parce que la salle est baignée de soleil. Il prononce ces quelques mots lentement. Considérant que Fursy, étant né pendant l'esclavage de sa mère Madeleine, en a retenu la condition, il s'ensuit qu'il est aujourd'hui sans droit à réclamer un état d'homme libre. Son appel n'est donc pas recevable. Après ce deuxième procès, Fursy n'est toujours pas libre. Se peut-il qu'il le soit un jour ? Fursy est emmené de force à l'île Maurice, où l'on perd sa trace. On sait seulement qu'il y passera 18 années. On sait qu'on lui fera payer son audace. Dans l'habitation du frère de Desbassin de Richemont, Fursy est condamné aux travaux forcés. Il est souvent battu. On l'a parfois cru mort. Mais des hommes viennent à son secours et ne l'abandonneront jamais. Dans une note adressée au procureur général, visiblement écrite à la hâte, qui ressemble à un brouillon, Fursy explique sa situation. « Monsieur le procureur général, on m'a fait sortir de prison le 2 novembre 1818, à 5h30 du soir, sans que j'aie pu dire au revoir à ma femme ni à mes enfants. On m'a embarqué immédiatement sur le bateau Le Clélie, on m'a retiré de force tous mes papiers, ceux qui prouvent que je suis un homme libre, mais j'avais pris soin d'en faire une copie auprès du notaire de Saint-Paul, où habite ma sœur Constance. Monsieur Desbassin de Richemont m'a confié à son jeune frère, qui possède une plantation sucrière à l'île Maurice. C'est un homme cruel. Le voyage a duré 10 jours, durant lesquels j'ai été enchaîné et mis à fond de cale. Il m'a forcé à marcher pendant une vingtaine de kilomètres avec les chaînes et m'a menacé de tous les maux. Aujourd'hui, vous êtes le seul homme qui peut m'aider. Envoyez-moi vos lettres chez Monsieur Aimé Bougevin, négociant à Port-Louis, qui me soutient dans mes démarches. Fursy a une patience sans limite. Des lettres sont expédiées et n'arrivent à destination qu'une année plus tard. Ce qui est incroyable, c'est que Fursy réussit à retrouver la trace de Gilbert Boucher partout où ce dernier est nommé magistrat. Il lui envoie des lettres à Bastia, à Paris, à Bordeaux, à Poitiers. Ce qui est encore plus incroyable est que la correspondance s'écoule entre 1817 et 1836, près de 20 ans. Combien de lettres seront perdues ? Celles que l'on a retrouvées sont toutes expédiées de Port-Louis et disent toutes la même chose ou à peu près. Port-Louis, île Maurice, 1er octobre 1836. À Monsieur Gilbert Boucher, procureur général à Poitiers. Monsieur, quand on est malheureux, on aime à se rappeler des âmes charitables qui vous ont porté de l'intérêt. Jamais, monsieur, je ne prononce votre nom sans une vive émotion. Aussi, monsieur, tant que j'aurai un souffle de vie, je ne cesserai de penser à tout ce que vous avez fait pour moi. Un jour, monsieur, tout cela vous sera rendu, non par moi, mais par Dieu. Vous savez que tous mes tourments viennent de Monsieur Desbassin de Richemont. Vous savez que tous les juges étaient parents de Desbassin de Richemont. Moi, pauvre malheureux, pouvais-je, avec tous ces juges, obtenir justice ? Fatigué et malade, Gilbert Boucher meurt à la suite d'une crise cardiaque. Mais avant de mourir, il a réussi à transmettre à un autre homme de loi, l'avocat Godard de Zaponnet, le dossier si patiemment monté. Godard de Zaponnet a une idée de génie. Il sait que si l'affaire est portée en France, Fursy a plus de chances de gagner. Il fait à nouveau appel du jugement qui avait été défavorable à l'esclave. C'est ainsi que 26 ans après la première tentative de Fursy, un lourd dossier, sur lequel est marqué « Affaire de l'esclave Fursy », arrive en cassation, à la Cour royale de Paris. Desbassin de Richemont est furieux. À Paris, il le sait, les abolitionnistes sont très actifs. Ils veulent arracher l'abolition et le procès Fursy vient à point nommé. le samedi 23 décembre 1843, après des semaines de mer, Fursy débarque enfin en France, puis à Paris. Il a fait le voyage de l'île Maurice grâce aux dons de quelques amis et à l'argent qu'il a gagné. C'est l'hiver. Fursy a froid. Il n'est pas habitué à porter des souliers. Il est emmitouflé. Il pense. Ce pays est incroyable. Il y a si peu d'arbres et tant de bâtiments. Des noirs marchent à côté de blancs. On me salue. Je n'ai jamais vu ça à Bourbon ni à Maurice. Tous les hommes ont l'air libres ici. J'ai 60 ans. Se peut-il que je connaisse enfin la liberté? Et que ce soit grâce à ce pays, grâce à ces hommes? Quoi qu'il arrive, ce jour est déjà une victoire pour moi. Des bassins de Richemont est venu aussi. Il règne une atmosphère solennelle au sein de la cour royale de Paris, où la hauteur de plafond donne l'envie de lever les yeux vers le ciel. Il y a du monde. Des journaux ont écrit que c'est le procès de l'esclavage qui se joue dans cette enceinte. Abolitionnistes et esclavagistes sont face à face. Dans sa main gauche, Fursy tient soigneusement un vieux papier, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le président Portalis est conscient de l'enjeu de ce procès. Messieurs, je voudrais que ce procès de renvoi en cassation se déroule dans le respect mutuel. La parole est à Monsieur Desbassins de Richemont. Messieurs, en acceptant ce procès en cassation, je vois très bien où vous voulez en arriver. Mais je vous demande de respecter le droit. Fursy est sans droit à réclamer une liberté qu'il ne tient ni de son état, ni de sa disposition. Pas plus que de ma volonté dont je suis le propriétaire. Les magistrats de Bourbon ne se sont pas laissés distraire par la terreur abolitionniste. Merci, monsieur Desbassins de Richemont. Avez-vous quelque chose à ajouter? Oui, monsieur le président. Pour défendre Fursy, ses avocats ainsi que le procureur Gilbert Boucher ont cru bon de nous dire que Fursy n'était pas esclave à sa naissance. Mais je vous rappelle, et mon avocat vous donnera les précisions si vous le souhaitez, que l'esclavage dans nos colonies a été reconnu par diverses ordonnances du roi. Madeleine, la mère de Fursy, était donc esclave. Son enfant ne peut prétendre à être un homme libre. Je vous remercie, monsieur Desbassins de Richemont. Nous demanderons les précisions à votre avocat s'il y a lieu. Nous allons maintenant écouter maître Thureau, le défenseur de Fursy. Messieurs, ce que je viens vous demander, c'est la liberté d'un homme. Ce malheureux qui devait être libre a passé dans l'esclavage plus de la moitié de sa vie. Il attend avec impatience que vous proclamiez définitivement sa liberté. Sur quels arguments, maître, vous appuyez-vous pour réclamer la liberté de l'esclave Fursy? Je ne viens pas ici, monsieur le président, déclamer contre l'esclavage. L'esclavage existe comme fait légal même. Mais je puis du moins poser en principe que ce droit de propriété de l'homme sur l'homme, puisqu'il faut encore aujourd'hui l'appeler un droit, est un droit exceptionnel, qui ne peut exister qu'à la condition d'être écrit dans une loi. Toute chose, toute nation, tout homme est présumé libre, à moins qu'on ne représente son titre de servitude. Or, Fursy aurait dû être libre parce que sa mère était libre. Rendez-lui donc cette liberté qu'il n'aurait jamais dû perdre. Vous le devez, car ses titres à la liberté et l'acte d'affranchissement de sa mère sont incontestables. Je proteste contre ces inepties, monsieur le président. Madeleine m'a été léguée. J'ai payé les droits de succession. Ces enfants m'appartiennent aussi. Respectez le droit. Monsieur des Bassins de Richemont, vous nous demandez de respecter le droit. Alors respectons-le. Et rappelons à cette cour qui nous regarde la maxime qui fait et qui fera encore l'honneur de notre pays. Nul n'est esclave en France. La personne qui touche le sol de France devient libre de plein droit. Elle devient libre de suite et pour toujours. Elle devient libre de suite et pour toujours. Voilà notre droit. Je veux le dire avec orgueil, car cette maxime est la base fondamentale de notre droit national. Elle a été inspirée par l'esprit chrétien et par le caractère français. Alors, quelle conclusion, messieurs ? C'est simple, mais beaucoup ont refusé de le voir. Fursy est libre, car sa mère était libre. On a maintenu cette femme dans la soumission parce qu'elle ne savait pas lire. Silence ! Silence ! Le calme est nécessaire à la poursuite des débats. Je vous en remercie. Maître Thureau, voulez-vous terminer votre plaidoirie ? Comme vous nous l'avez autorisé, je laisse la parole à Monsieur Fursy. Monsieur le Président, messieurs, je ne suis là que pour moi-même, pour mes enfants et pour me marier. Je veux juste effacer la tache imprimée à ma naissance. Mais si les grands principes que l'avocat invoque ici pouvaient profiter à quelques-uns de mes compagnons d'esclavage, que si votre décision pouvait briser d'autres chaînes, pourquoi le cacherais-je ? J'en serais heureux. J'en serais fier. Vous-même, messieurs, vous seriez les premiers à vous en applaudir. Je vous remercie. La séance est suspendue. Le président Portalis se lève. Il a décidé de suspendre la séance avant de donner le verdict. Vers 17h, il revient. Tous les autres sont déjà assis. Il se lève en le voyant arriver. Portalis fait un signe de tête presque amical, leur indiquant qu'ils peuvent s'asseoir. Lui reste debout. Il attend quelques secondes. Il y a un grand silence. Fursy l'observe, en tenant toujours dans sa main la Déclaration des droits de l'homme. Messieurs, je tiens tout d'abord à vous remercier, à remercier monsieur le procureur, messieurs les avocats, pour la haute tenue de ces débats qui honorent la justice de notre pays. Voici le verdict. Considérant que Madeleine était maintenue en esclavage alors qu'elle aurait dû bénéficier de son affranchissement, considérant que son fils, étant né d'une femme libre, aurait dû être libre aussi, sur la base de toutes ces considérations, la Cour dit que Fursy est né en état de liberté. Nous sommes le 23 décembre 1843, en fin d'après-midi. Il fait très froid. Des Bassins de Richemont comprend que l'abolition est en marche et qu'il va falloir investir désormais dans des machines. Après le verdict, Fursy refuse les 10 000 francs de dommages et intérêts que le jugement vient de lui octroyer. Il quitte la France pour s'installer à l'île Maurice, où, on le sait, il fera fortune dans la confiserie. Aujourd'hui, je me nomme Monsieur Jules Fursy. Et je suis un homme libre. J'ai enfin un prénom et un nom que je peux donner à mes enfants et à ma femme. Je peux me marier, avoir une activité pour nourrir ma famille, un tombeau pour reposer en paix, ce qu'on a refusé à ma pauvre mère. j'ai compris une chose. Quand on veut priver un homme de liberté, on lui ôte toute identité. On n'est rien quand on n'a pas de nom. L'incroyable histoire de l'esclave qui intenta un procès à son maître de Mohamed Aissaoui avec Fursi, Modeste Delane Sapasara, Des Bassins de Richemont, François Sienner, le président Portalis, Charlie Nelson, Maître Thureau, François Kergoulet, bruitage Bertrand Amiel, prise de son, montage et mixage Manuel Couturier et Lucas Vaillant, assistante à la réalisation Lee Torquia, réalisation Michel Sidoroff. Dans quelques minutes, nous poursuivons la discussion sur l'esclave Fursi avec Mohamed Aissaoui. Par les Black Pumas sur France Inter, autant n'importe l'histoire, la réalisation Antoine Dabrowski et Juliette Gou, assistée d'Emmanuel Fournier, programmation musicale Thierry Dupin, la technique Henri Bérec et Céline Guéribi. Mohamed Aissaoui, l'incroyable histoire de l'esclave qui intenta un procès contre son maître. Donc l'histoire que je viens de raconter et que vous avez écrite se termine par la voix intérieure de Fursi après qu'on lui a enfin reconnu son état d'homme libre. Il ne s'appelle plus Fursi, mais il dit « Je m'appelle Monsieur Jules Fursi ». Avoir un nom, se faire appeler monsieur ou madame, ce sont des choses qui nous semblent normales, anodines. En réalité, ce que nous révèle Fursi, c'est que ce sont des privilèges d'êtres humains. Oui, ça paraît simple, mais c'est l'essence même de l'identité et de la liberté. C'est-à-dire qu'il a couru toute sa vie pour avoir un nom, parce que le principe même de l'esclave, c'est de ne pas avoir de nom. Et ce procès, c'est aussi le procès pour avoir un nom. Quand on parle d'un esclave, on dit le dénommé Fursi. Et quand on veut, même dans le langage, il y a une bagarre entre abolitionnistes et esclavagistes. Et quand on veut montrer que c'est un homme libre, on dit le sieur Fursi. Voilà. Il prend un nom. Il prend un nom et effectivement, on n'existe pas quand on n'a pas de nom. On a du mal à comprendre comment des êtres humains, enfin qui étaient des chrétiens, qui étaient des gens normaux, pouvaient trouver des justifications au fait d'être propriétaires d'autres êtres humains. C'est des choses qui sont difficiles à comprendre. Dans le livre que vous avez écrit, donc l'affaire de l'esclave Fursi, vous reproduisez quelques documents, par exemple le testament de l'ancienne propriétaire de Fursi, où est dressée la liste de ses biens. Donc c'est au moment de son testament. Oui, il y a une centaine de noms avec. Il y a des maisons, il y a des fermes, il y a des armoires, il y a de l'argenterie, puis au milieu, il y a des esclaves avec sous la forme de l'eau. Oui, avec l'indication du prix. C'est-à-dire que si c'est un jeune homme vigoureux, etc., il a une certaine valeur. Si c'est un handicapé, il a une moindre valeur. Si c'est un certain âge, il a encore moins de valeur, etc. J'ai fait beaucoup de lycées. Et pour parler de ce pour livre, parler du livre et de cette histoire. Et il ne comprenait pas effectivement ce fait que un homme pouvait avoir la propriété d'un autre homme. Et je leur ai montré, c'est dans le livre, il y a une petite annonce. Je dis aujourd'hui, si vous avez envie de vendre votre moto ou des meubles, vous faites à vendre, etc. Et regardez la petite annonce que j'ai retrouvée, qui date de 1836. C'est écrit à vendre. Il y a des planches, il y a des objets. Et dans l'annonce même, il y a à vendre, négresse, 30 ans, ayant deux enfants, et avec des choses comme facilité de paiement ou pour cause déménagement, etc. On pense que ce sont souvent des noirs. Il y avait effectivement des noirs, mais en fait, le noir est synonyme plus d'esclave que réellement la couleur de la peau, parce que il y avait des métis, il y avait des gens qui se retrouvaient esclaves comme ça. Il y avait même des noirs qui étaient esclavagistes. Et il y avait, c'est pour ça qu'on a évoqué au début de l'émission la complexité de l'histoire. L'extraordinaire complexité, c'est que voulait faire un affranchi pour ne pas ressembler à d'autres esclaves? Il acheter lui-même des esclaves. Et donc, il y avait des Noirs qui avaient des esclaves aussi. Et ça, par exemple, moi, je ne l'avais pas lu dans mes livres d'histoire. Et face aux familles esclavagistes, donc, qui sont très sûres de leurs bons droits, cette espèce d'assurance, on est sûr de nous, on est la norme. Alors, ce qui frappe, c'est quand même, chez Fursi, c'est sa détermination et sa patience. L'histoire, on l'a dit, commence en 1817, sa première démarche auprès du tribunal de Saint-Denis, et elle se termine qu'en 1843, soit 26 ans plus tard. Entre-temps, il a été emprisonné, il a été envoyé aux travaux forcés, exilé à l'île Maurice, mais il continue à y croire. C'est quoi? Qu'est-ce qui le fait tenir? En fait, pour mettre fin à un statut d'esclave, à une soumission, à des maltraitances, il n'y avait pas beaucoup de choix. Il y avait celui auquel Fursi pense, c'est le suicide. Il y avait un taux de suicide très important chez les esclaves. Il y avait tenter de fuir. Il y avait un métier qui prospérait à l'époque, c'était chasseur d'esclaves. Donc on était rémunéré en fonction des esclaves qu'on attrapait. On est sur une île, donc voilà, très difficile de fuir. Très très difficile, il y avait des montagnes, etc., mais c'est très difficile. Il y avait la révolte. Là, et l'esclavagiste des bassins de Richemont le constate, Fursi utilise une quatrième voie qui est un acte inouï de rébellion, qui est d'aller en justice. Et là, il touche au cœur du système colonial. Il sait que si Fursi gagne, il y a 16 000 esclaves derrière lui qui attendaient. Et effectivement, là, toute la machine esclavagiste s'est mise en marche pour éviter que Fursi, ne serait-ce qu'il mette les pieds au tribunal. Et il y arrive parce que comme vous le dites, dans leur île, les familles esclavagistes se sentent forts. Ils ont tous les pouvoirs administratifs, économiques, évidemment. Ils sont les amis des juges. Les amis des juges, on l'entend bien, etc. Dans votre texte. Oui. Il y avait tout. Ils avaient tous les pouvoirs. Donc, effectivement, ils avaient le pouvoir de nommer et de destituer les magistrats. Donc, ils dînent ensemble. Ils dînent ensemble tous les samedis soirs. Ils se marient entre eux aussi pour garder les terres, etc. Donc, il y avait un système qui était pour eux éternel. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait en France pour eux. Mais ils entendaient les bruits de la révolution, et ils en avaient peur. Voilà, donc il y a donc cette détermination. On l'explique aussi par le fait que Fursy, il sait lire et écrire. Oui, alors il le dit. Ça, des bassins de Richemont ne le supporte pas. Mais non, parce que savoir lire et écrire, normalement, l'esclave n'avait pas le droit à l'instruction. Ils avaient une instruction religieuse minimaliste qui consistait juste à connaître quelques principes, mais surtout pas apprendre à lire et à écrire, parce que c'est le début de la liberté. Et c'est vrai encore aujourd'hui. Hein. Oui, et c'est vrai qu'il y avait des professeurs, quand j'allais au lycée pour en parler, ils me disaient, c'est très bien, est-ce que vous pouvez insister sur ce point-là? Mes élèves m'écoutent un peu. Oui, et c'est la force de savoir lire et écrire qui a permis à Fursy de rester en contact, parce que s'il ne savait pas écrire, il n'aurait jamais pu écrire, on n'aurait jamais pu retrouver ce dossier. Et en France, à ma connaissance, pour l'instant, j'ai pas été démenti, il n'y a pas eu un témoignage direct d'un esclave. C'est-à-dire que là, on a un esclave qui a écrit. Qui écrit de sa main, et quelle plume en plus, quel style. Mais il impressionnait tous ceux qui le croisaient, étaient impressionnés par sa détermination et par sa culture. Mais il y a aussi quelque chose que j'ai appris à travers cette découverte, c'est qu'à un moment donné, il a compris que son qu'à dépasser sa propre personne. Oui, certainement, l'abolition de l'esclavage en 1848 doit beaucoup à Fursy. Doit beaucoup en partie à Fursy, à ceux qui l'ont aidé, parce que les abolitionnistes étaient là, etc. Parce qu'à un moment donné, on lui proposait la liberté en échange du fait d'arrêter, de tenter d'aller en justice. Il a refusé, parce que son cas dépassait sa propre personne. Et je pense qu'il a voulu aussi être reconnaissant à ceux qui l'ont aidé. Vous avez dû en lire des bouts de papier, farfouiller dans des archives. Quelle passion, quelle détermination aussi la vôtre. Ça a duré 5 ans et demi, mais je m'en rendais pas compte. C'est beau, justement, d'essayer de redonner des voix comme ça, et des corps, un visage humain à l'histoire de l'esclavage. Mais en fait, c'est important de personnaliser. Mais en fait, c'est très très important, mais je m'en rendais pas compte. Et plus je découvrais des archives, plus l'histoire me fascinait. Pendant 3 ans, je ne pensais pas en faire un livre. Je pensais juste recueillir un maximum d'informations. Et en fait, petit à petit, et je vous dis, c'est quelque chose d'irrationnel, mais pas fou, j'espère. C'est que vous avez pas l'air trop fou. C'est que le cet esclave-là me parlait à travers ce que je retrouvais. Et c'est un ami un peu, Fursy, pour en tout vous. Cas, c'est quelqu'un qui m'a accompagné pendant tout le temps de la recherche, de l'écriture. Et je pensais que j'allais en finir une fois que le livre allait paraître. Et en fait, il m'accompagne encore. Et je pense que effectivement, surtout quand j'ai retrouvé les lettres écrites de sa main, là, je me suis dit, il faut vraiment lui donner une voix. Ouais. Et la réalisation de tout à l'heure lui donne une très très belle voix. Merci. Fursy redonne foi dans l'humanité un peu et on en a besoin. Merci Mohamed Aissaoui. Je rappelle le titre de votre livre, L'affaire de l'esclave Fursy, disponible chez Gallimard en poche, et également un autre de vos livres, L'étoile jaune et le croissant, un très beau livre également. Et votre dernier livre, Comment dit-on humour en arabe, avec des illustrations de Chloé Floira chez Gallimard dans la collection Folio. Autant en emporter l'histoire est terminé pour ce soir. Vous pouvez réécouter ou podcaster cette émission sur notre site franceinter.fr où j'attends vos commentaires, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, une autre histoire de combat pour la liberté. En mars 1789, lorsque Louis XVI convoque les états généraux et appelle ses sujets à rédiger des cahiers de doléances, Pierre-François Lepoutre, le seul paysan des députés du tiers-état, va vivre au jour le jour la folle aventure de la Révolution française. Pierre-François Lepoutre et les cahiers de doléances, c'est dimanche prochain dans Autant d'emporte l'histoire. Mais dans quelques minutes, bien sûr, juste après le flash, ne manquez pas votre rendez-vous avec Nadia Dame pour Modern Love. Très bonne soirée sur France Inter.